Si je te parle des fantômes d'Istanbul, tu penses à quoi? Des It's comment dire, enfin, c'est quand même après, alors il y en a dont je retiens pas les noms, mais j'ai l'impression qu'il y a une famille de fantômes autour de la poésie ici. On entend leur voix des fois. Non. Can't change society. You cannot. Le problème, c'est les choses qu'il fait, c'est une... Et c'est beaucoup plus... Texte. Il y a beaucoup de projets comme ça. Quand? Beaucoup de monde qui travaille comme ça. Beaucoup de monde travaille dans les quartiers pour travailler avec les habitants, pour construire des projets artistiques ou dans les quartiers, pour faire des jardins, pour faire des... Est-ce que ça t'intéresse de faire un travail avec les habitants de ce quartier qui bientôt vont être virés d'ici? Il y a de l'argent. On va casser leur maison. Ils vont devoir, plus ou moins. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te demandes quelle est cette place que tu occupes. Mais toi, est-ce que tu peux faire un travail de mémoire, ce qu'on appelle de mémoire?